T'as le four calé, faut pas le perdre. C'est mettre la serre, au quartier. Au sommet, moi j'ai pas la fusée. Pour toi, tiens-toi prêt. Feu par terre. On veut la vida et les cocotiers. J'mets la quiche, t'as deux côtés. A minuit, puis les peu bouger. On rentre dans le club, on va tout niquer. Quand on te mêle pas, en ce moment dans nos têtes ça va pas. Ce soir c'est la malade.